qui passe lentement, qui passe lentement. Perds pas ton temps, ne perds pas ton temps. En manque de temps, en manque de temps. Pour sentir le vent, pour sentir le vent. Qui passe lentement, qui passe lentement. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton temps. Sentir le vent.